t'entends. Yeah. Évite tes blablabla. Parle plus fort, je t'entends pas. Bouge ton boule, vas-y, bouge ton boule. Le rouge à lèvres, ça te va pas. Je t'aime bien avec tes talons. Quand on danse, nous regarde pas l'autre. Je t'aime bien, vas-y, toi, toi, toi. Tu se tires sur les couettes, couettes, couettes. C'est mignon, tu me fais un bisou. Mais m'appelle pas, tu dois, je suis pas ton toutou. Toi, tu sens sur le coup. Silence, je t'insulte de tout. Mamacita, quand je te vois, je suis excité. J'aime quand je viens te voir, ça me fait sortir de la cité. Mamacita, quand je te vois, je suis excité. J'aime quand je viens te voir, ça me fait sortir de la cité. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Oui, girl, j'ai vu tes yeux, je suis dedans. En plus, j'aime trop comme tu danses. Tu peux réussir à me mettre en transe. Oh, viens, c'est ton âme. Envoie-moi ailleurs. Avec toi, je regarde pas l'heure. Oubliant le malheur. Oui, girl, j'ai vu tes yeux, je suis dedans. En plus, j'aime trop comme tu danses. Tu peux réussir à me mettre en transe. Oh, viens, c'est ton âme. Envoie-moi ailleurs. Avec toi, je regarde pas l'heure. Oubliant le malheur. Mamacita, quand je te vois, je suis excité. J'aime quand je viens te voir, ça me fait sortir de la cité. Mamacita, quand je te vois, je suis excité. J'aime quand je viens te voir, ça me fait sortir de la cité. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah. Mamacita, yeah.